Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique. Indéfectiblement lié à ceux de Samuel Beckett et de Jean Genet, dont il fut le premier à monter les pièces, le nom de Roger Blin, disparu en 1984, est-il encore, dans beaucoup de mémoires d'aujourd'hui, le synonyme de ce que le théâtre d'avant-garde français eut, dans son histoire, de meilleur et de plus exigeant? Peut-être pas. Aussi est-il temps de réentendre les deux émissions par lesquelles l'atelier de création radiophonique rendait hommage à Roger Blin après sa mort. Dans le premier de ces deux ACR, Roger Blin parlait de son enfance, de son bégaiement, expliquait comment il était venu au théâtre par son intérêt pour le cinéma, racontait son parcours de comédien et de metteur en scène. On entendait la voix de Pierre Chenal dire sa grande amitié avec Roger Blin. Blin évoquait l'époque qu'il avait façonnée, la chanson, Fréhel, Artaud, les frères Prévert et le groupe Octobre. Un savant montage de musique, de bande-son de ses films et de paroles recueillies qui restituaient, par fragments, l'histoire d'une vie d'un comédien plus qu'aucun autre de son temps. Atelier de création radiophonique, fragment Roger Blin, première partie, une émission diffusée la première fois le 27 janvier 1985 sur France Culture, avec des lectures extraites de Roger Blin, souvenirs et propos recueillis par Linda Bellitti-Peskin, paru dans la collection Blanche de Gallimard en 1986. ACR, Atelier de création radiophonique. Fragment, Roger Blin. Première partie. Par René Farabet, Ida Guilbeault. Roger Blin, 1907-1984. Pierre Chenal, Artaud, Prévert, Strindberg, Beckett, Adamoff, Genet. Document d'archives. Pierre Chenal, L'Alibi, 1938, avec Eric von Stroheim. Jacques Prévert, Bonne nuit capitaine, 1948. Robert Desnos, La complainte de Fantomas. Jacques Prévert, Le métro fantôme, 1951. Edmond T. Gréville, Pour une nuit d'amour, 1946. Avec Odette Joyeux. Hommage à Antonin Artaud, 1946. Antonin Artaud, Pour en finir avec le jugement de Dieu, 1947. Auguste Strindberg, La sonate des spectres, 1949. Samuel Beckett, En attendant Godot, 1953. Roger Blin, Jean Martin, Lucien Rimbourg, Pierre Latour. Arthur Adamoff, Le temps vivant, 1962. Jean Genet, Les Paravents, 1966. Conversation avec Roger Blin par Linda Peskin, apparaître aux éditions Gallimard. Entretien, Jean Amrouche, Jean Paget, Harold Portnoy, Marguerite Taos Amrouche, Roger Vrigny. Philippe Esneau, document CNRS, audiovisuel. Les Folson. Avec Jean Martin, Hermine Carageuse. Groupe de réalisation, Monique Burguière, Marie-Ange Garandeau, Marie-Vonne Noël, Bruno Rancière. Fragment, Roger Blin. Première partie. Je je suis né avec une assez bonne santé. Seulement, j'étais gaucher, contrarié, et étant enfant, je ne pouvais pas dire un mot. J'ai eu une grande terreur vers 18 mois. C'est un signe en celluloïde qui a brûlé et qui m'a éclaté entre les mains. Et j'étais aphasique pendant je ne sais pas combien de temps. Et petit à petit, c'est revenu, mais j'ai toujours eu beaucoup de difficultés à la parole. Pendant qu'il me parlait, oh, surprise, oh, terreur. Je ne peux pas dissimuler plus qu'un bossu ne peut dissimuler sa bosse que je ne sais pas parler, que je bégaye, n'est-ce pas? Mais je suis arrivé quand même, quand je joue un rôle vraiment, à ce que ça disparaisse complètement, à la radio aussi. Et bon, c'est des histoires de gauchers contrariés, des petits malheurs qui finalement aident. Ça m'a permis de rechercher les causes, de travailler certains muscles de la face, de me pencher sur certains problèmes, de l'élocution, des longues, des brèves. J'allais à la Comédie Française voir ces messieurs-dames, entendre ces messieurs-dames dire des poèmes dans les matinées poétiques. J'étais en admiration devant eux. Et le soir, en revenant, je m'essayais devant la glace sur des poèmes aussi. Et c'est par les poèmes que petit à petit, je suis arrivé à me corriger quand je joue. Certaines consonnes explosives étaient difficiles à surmonter. Alors il fallait que je prenne mon élan. Et ayant pris mon élan, j'arrivais à les dépasser. Une technique de respiration que j'ai trouvée seul. J'entre. Et alors j'arrivais, hop, à sauter l'obstacle. Je pense que j'aurais désiré être peintre si j'avais eu les mains coupées. Il faut lutter contre la nature. J'entre. Le peuple fuit. Le sacrifice cesse. Le grand prêtre vers moi s'avance avec fureur. Pendant qu'il me parlait, oh, surprise, oh, terreur, j'ai vu ce même enfant dont je suis menacé, tel qu'un songe effrayant la peinte à ma pensée. Je l'ai vu, son même air, son même habit de lin, sa démarche, ses yeux et tous ses traits, enfin c'est lui-même. Il marchait à côté du grand prêtre, mais bientôt, à ma vue, on l'a fait disparaître. Voilà quel trouble ici m'oblige à m'arrêter et sur quoi j'ai voulu tous deux vous consulter. Étant enfant, j'étais assez isolé dans un milieu à Neuilly-sur-Seine, mon Dieu, où j'avais la vie assez agréable, très modeste, mais enfin, puis après j'ai fait des études à Sainte-Croix de Neuilly, alors je me suis heurté assez rapidement à l'esprit de la maison. Et puis j'ai achoppé, comme beaucoup, enfin, sur des problèmes religieux, que par la suite j'ai laissé de côté et envoyé promener, mais ce qui m'a libéré et rendu heureux, n'est-ce pas, de ne plus du tout compter sur une récompense, c'est vraiment une récompense céleste, n'est-ce pas, c'est vraiment une des choses qui vous libère le plus. Mon père était un médecin, un saint, un espèce de saint laïque, enfin vraiment, un homme que j'aimais beaucoup, qui s'est tué pour sa clientèle. Et seulement, quand il a vu que j'avais du mal à prononcer certaines consonnes, certains mots, que c'était une chose qui ne tenait absolument pas à une malformation, qui était une chose de respiration, simplement, de souffle, il n'a rien fait. C'était une épreuve que Dieu m'envoyait. Et il m'a dit, tu prendras un métier où tu ne parles pas. Alors, je suis devenu acteur. J'ai des photos de théâtre. Un humantin avec un éclairage en dessous. Une narine terrible. Parce que je croyais qu'être acteur, c'était frémir de la narine. Et comme j'avais honte de mon nez que je trouvais trop court, je n'ai jamais eu un vrai nez d'acteur, de tragédien en tout cas. Alors en fronçant les narines, il était un peu moins en l'air. Et pour l'Hamlet de la Forge, je me souviens, j'avais un trac fou. Je me suis senti m'endormir. Je n'ai pas perdu pied du tout. J'ai commencé à dire mon texte avec les pauses, les gestes que j'avais répétés, l'humour que j'avais essayé d'y mettre. Mais c'était pas moi. C'était un bonhomme à côté que j'entendais très faiblement. Je n'étais pas là, j'étais à côté de moi-même, spectateur. Au bout d'une ou deux minutes, j'ai eu le sentiment de me recoller à l'autre. Nous nous sommes rejoints. Mon premier contact avec le théâtre s'est passé dans un salon. Ce devait être le salon d'un hôtel où on avait installé une scène provisoire surélevée avec rampe et herse. Mon oncle, le frère de ma mère, Jacques de Guy, faisait partie de la distribution. Vous l'aimiez beaucoup ? Oui, je l'aimais beaucoup. Il était dessinateur, très bon dessinateur, très classique, et acteur. Donc, vous êtes devenu vous-même dessinateur et acteur ? Enfin, je ne suis pas devenu dessinateur, ça j'ai toujours dessiné, toujours. J'ai toujours griffonné. Par la suite, ces griffonnages sont devenus enfin, un peu plus sérieux pour moi. Et alors, la première expérience de théâtre que peut-être que j'ai eue, c'est avec cet oncle. On m'avait emmené, j'avais 7 ou 8 ans, on m'avait emmené le voir, je ne sais pas où exactement, dans la... C'était un spectacle, c'était une pièce probablement stupide, où il jouait un rôle d'espion, ce qui pour moi ne voulait rien dire. Et alors, il s'était grimé, et c'était mon oncle, et c'était pas mon oncle, n'est-ce pas ? Et comme à la fin de la pièce, il était démasqué, n'est-ce pas ? Tous les autres se jetaient sur lui, n'est-ce pas ? Alors je me suis mis à hurler, parce que c'était mon oncle, à qui on voulait du mal. Et alors... Ce n'est que beaucoup d'années après que j'ai compris que c'était en effet mon oncle, mais que c'était pas mon oncle non plus. Coupé. Je me souviens. Je ne me souviens pas. C'est vrai. C'est faux. Les choses dont je parle sont imaginées, inventées. On me les a racontées ou alors je les ai vécues. Je ne sais pas. Je raconte par exemple des tas de choses qui se sont passées en 1907-1908. Mais... Je doute que je me rappelle vraiment. Je suis venu au théâtre par le cinéma. Enfin, je veux dire, je me suis intéressé d'abord au cinéma. J'étais très frappé par les premiers ciné-clubs. Je me souviens de séances du cinéma d'avant-garde, Square Rap, à la Tribune Libre du cinéma, et de séances où des surréalistes sont intervenus. C'est là que je les ai vus pour la première fois. Que j'ai vu Artaud, j'ai vu les surréalistes en action contre certains films qu'ils n'aimaient pas. Il y avait dans Paris un café où les gens de cinéma se rencontraient, la foire aux frimes, pour chercher du travail. J'avais du mal à obtenir des rôles importants parce que les réalisateurs de cinéma devaient penser que je n'avais pas la gueule d'un jeune premier. J'ai joué beaucoup les attardés du village, le brave type à qui il arrive tous les ennuis de la terre. J'étais très ami avec Pierre Chenal. Et j'ai participé à l'écriture de scénarios avec lui dans différents cafés de Montparnasse. Chenal, 14/5. On a été copains tout de suite. N'est-ce pas ? Il n'y a pas eu de problème. Moi, j'étais absolument rien. Je faisais des petits articles sur le cinéma. C'est parce qu'on avait une... On avait avec quelques copains, n'est-ce pas, qui étions autour de la première revue du cinéma... N'est-ce pas ? Nous nous étions infiltrés dans un tas de journaux de gauche, de droite, etc. Quoique nos idées étaient de gauche. Mais le cinéma, avant tout, c'est ainsi que dans des journaux comme l'Ami du Peuple de Coty, on a pu parler de Buñuel et de gens comme ça. Stop. Chenal, 14/6. J'ai été amené comme ça à travailler avec lui, n'est-ce pas, pour son premier film, Les Petits Métiers de Paris, que nous avons tourné dans les rues de Paris, avec un tas de gens qui n'existent plus du tout maintenant, comme, je ne sais pas, les tondeurs de chiens, le barbier et des quais. Alors, sur les quais, justement, pour filmer certaines gens qui étaient là, et comme ils voulaient faire des travelling, on avait pris une voiture d'enfant, je crois, dans laquelle il était là. Mais, et il tournait avec son petit appareil qui ne faisait que 12 mètres. Chenal aimait beaucoup les mouvements de caméra. Coupé. Dans le Martyr de l'Obèse. Je faisais une figuration, j'avais un mot à dire, je crois. Alors j'étais crispé tellement que je tendais le cou, comme ça, je me souviens, n'est-ce pas ? J'avais une barbe. Et puis voilà. Chenal, 15 premières. Il y a eu l'affaire Lafarge, dans laquelle je jouais un rôle, n'est-ce pas, d'un garde-chasse, quelque chose comme ça. Et puis la grande aventure des mutinés de l'Elsonneur. Nous avons sillonné l'Atlantique pendant 7 semaines avec des tempêtes, pas mal. Chenal n'avait trouvé en Europe qu'un navire-école allemand qui avait 115 mètres de long, 4 mâts et 6 voiles carrées dans les premiers mâts. Alors c'était un truc comme ça, et qui ne marchait qu'à la voile. Nous avons tourné ça en 1934, c'était un navire qui était neuf, pour ainsi dire. Alors il est arrivé une fois qu'en pleine mer, loin des côtes, nous étions à tourner de nuit. Par conséquent, avec les voiles éclairées par en dessous, et tout un truc comme ça. Et alors, plusieurs navires qui étaient dans le coin se sont détournés en croyant que nous brûlions. Go and find out at which hotel he stays. I'll attend to him later. Very well, sir. Pierre Chenal, La Libye, 1938, avec Eric von Stroheim. Chenal, 15 deuxième. Oui, dans la Libye, ça c'était un rôle très très beau. C'est un rôle d'une espèce d'homme de confiance, un personnage mystérieux, entre guillemets, et qui était homme de confiance de Eric von Stroheim. J'avais très très peur de travailler avec lui, de l'approcher même, parce que Chenal et moi et toute la bande, nous avions une admiration sans borne pour lui. Mais il a été extrêmement gentil avec moi. Il s'est même dérangé un jour parce que j'avais une scène où je lui donnais un coup de téléphone. Et il s'est dérangé pour venir au studio pour me donner la réplique. Coupé. J'ai oublié votre valise. Regarde, voulez-vous le lâcher ? Désolé, madame, ce sont nos enfants. Ils sont idiots, vos enfants, c'est un homme innocent ! Innocent, je vous dis ! En fait, je pense que j'ai arrêté sans rien dire. Alors, vous devriez faire cette femme, sans ça, nous allons l'arrêter aussi, hein. Oh, je m'en prie, Hélène. Tais-toi, va, ne dis rien. Tout s'arrangera. Allez, vous avez oublié votre valise. Il faut rentrer chez vous, voyons. Il ne faut pas vous désoler. Allez, rentrez vite. Taxi! Suivez cette voiture! Je vous écoute, mademoiselle. Allô? Allô, ici Crète! Allez chercher le professeur Winkler! Oui, c'est urgent! Comment? Il est en scène? Allez le chercher! Qui vient de se mettre à l'appareil? C'est Crète! Crète! Allez, enlevez-moi ça, quoi. Ah, mon Dieu, je suis navré, mais j'ai perdu la clé. Allez vite, mais c'est pas très drôle. Non, mais faut t'avouer que t'as vraiment une tête de crapule. En tout cas, tête de crapule ou non, tous les jeunes premiers de la boîte, t'es sûrement le meilleur. T'as l'œil en vrille. Dis donc, tu t'es pas embêté pendant l'émission de confiance. Ah, elle est gentille, la petite. En tout cas, tu t'es bien foutu d'elle. Bon, allez, écoutez moi le corps, hein. Merci. Hello? Helen is right now at the police headquarters. I'm sure she's croaking. You better get ready to leave right away. We could meet in Marseille. She has spoken. Well, I guess that's the finish. Thanks for everything, Kretz. You've been swell. Good luck to you. And so long. Thank you. tuer. Vous m'entendez? Oui. J'ai eu des conversations très intéressantes sur le réalisme. Pour lui, ses films étaient réalistes, naturalistes. Ok, next. Mais pour nous, absolument pas. C'est une lettre qui vient de... Préfecture de police ? Oui. C'était des films poétiques. Et pour les surréalistes aussi. C'est une... Alors, quand je lui ai dit que dans Mariage de Prince, tous les pommiers en fleurs, c'est très, très désagréable. Tout ce baroque décoratif entourant Vienne. Give me another cup of coffee. Yes, sir. Tout ça, c'était des films poétiques pour nous. Il se fâchait. Il n'était pas content. C'est impossible, il y a du monde avant vous. Dites-lui que c'est mademoiselle Hélène. Quand je lui ai dit que les surréalistes l'appréciaient, il m'a dit non, je n'ai rien à faire avec ces gens-là, ce sont des fous. Je fais des films véridiques. Je touche la réalité. J'essaie de reconstituer la réalité. Ah, je lui ai dit... Évidemment, si les pommiers en fleurs, qui étaient des paysages faits en studio d'ailleurs. Je lui ai dit, il y aurait eu 10 pommiers en fleurs. Il y aurait eu quelques fleurs dans le pommier. Ça aurait été miteux. Il y aurait eu des centaines de fleurs sur les pommiers. Ça aurait été vrai. Mais vous en mettez des milliers. Alors, ça devient poétique. Surréaliste. Et il n'était pas content du tout. Finalement, j'avais compris que les surréalistes avaient une ligne de vie. Moi-même, à ce moment-là, je n'en avais pas. J'avais fait des espèces d'études classiques. J'étais à la Sorbonne, une licence de lettres que je n'ai pas terminée. Et puis, je vasouillais. Et puis, subitement, des gens me sont apparus avec une rigueur morale extraordinaire qui était le contraire. Une espèce de moralisme que j'avais pris dans ma famille catholique. J'étais vivant, et j'étais là depuis toujours. Mangeais-je? Non. Mais quand j'avais faim, je reculais avec mon corps, et ne me mangeais pas moi-même. Mais tout cela s'est décomposé. Une opération étrange avait lieu. Je n'étais pas malade. Je reconquérerais la santé, toujours par la rentrée en arrière du corps. Mon corps me trahit. Il ne me connaissait pas encore assez. Manger, c'est porter en avant ce qui doit rester en arrière. Dormais-je? Non, je ne dormais pas. Il faut être chaste pour savoir ne pas manger. Ouvrir la bouche, c'est s'offrir au miasme. Alors pas de bouche, pas de bouche, pas de langue, pas de dents. Pas de larynx, pas d'œsophage, pas d'estomac, pas de ventre, pas d'anus. Je reconstruirai l'homme que je suis. Antonin Artaud. Antonin Artaud, Les Cenci, 1935. Théâtre des Folies Wagram. J'avais rencontré Artaud, qui, en 35, avait monté Les Cenci. M'avait pris en amitié et m'avait demandé de tenir le cahier son cahier de régie. Il m'avait donné des crayons de couleur pour noter toutes ses indications aux acteurs. Et une couleur par personnage. Et il me disait, note, écris bien tout ce que je te dis, et même ce que je ne te dis pas. Arthur avait écrit cette pièce qui était à mi-chemin de ce qu'il voulait faire. Ce qui lui importait là-dedans, avant tout, c'était une certaine direction des acteurs et aussi la partie musicale et sonore. Je crois que c'est le premier exemple au monde de stéréophonie, parce qu'il avait installé des haut-parleurs sous la coupole du théâtre dans différents coins avec un système artisanal qu'il avait travaillé avec des ormières. Et il voulait imposer un rythme inca à 7 temps. Et puis alors, dans la direction des acteurs, une stylisation, n'est-ce pas, que nous n'avions aucune espèce d'idée. Et alors, je me trouvais être son assistant. Il avait fait passer des petites annonces pour trouver 2 comédiens mimes pour jouer les assassins de Chen Shi, les assassins qui tuaient le vieux père Chen Shi sous les ordres de Béatrice Chen Shi, violée par son père. Et dans cette annonce parue dans l'Intransigeant, il y avait une coquille. On leur avait envoyé un papier pour les Chen Shi que monte Antonin Artaud. Et au lieu de Chen Shi, ils avaient mis la scène, C-E-N-E. Alors il est arrivé des gens qui croyaient que c'était une histoire religieuse autour du Christ. Et un type, qui n'était pas très grand, s'est présenté. Il portait une énorme barbe, il a grimpé sur une marche, nous a présenté son plus beau profil et nous a dit « Regardez, Saint-Pierre ». Et il m'a dit un jour, monte sur scène, et je suis monté sur scène, et puis j'ai fait à peu près ce qu'il voulait. Il m'a dit, mais tu es un médium, et j'ai joué pour la première fois dans les Chen Shi. Alors quand sont venues les représentations, il s'agissait de se maquiller. C'est pareil, il m'a dit, mais maquille-toi comme tu l'entends. Alors pour moi le maquillage, et j'ai compris tout de même avec Artaud que le théâtre ne pouvait en aucun cas, n'est-ce pas, le vrai théâtre ne pouvait en aucun cas ressembler le moins du monde aux pièces que j'avais vues, les pièces de boulevard avec des téléphones blancs et des choses comme ça. Et alors quand il m'a dit « maquille-toi », j'ai acheté un bâton de vert et un bâton de rouge. Je me suis divisé la figure en 4 parties, en diagonale, 2 parties vertes, 2 parties rouges. Et il m'a dit « ben, très bien, c'est ce qu'il faut ». Et alors j'ai compris le théâtre. Alors nous étions là, 2, avec un camarade. Nous avions un couteau, comme ça, dans la main. Béatrice nous enveloppait le corps d'une grande draperie rouge. Et nous partions comme ça, avec des costumes, dessinés par Balthus. Les costumes étaient rembourrés et nous avions une espèce de collant, mais dont tous les muscles étaient dessinés et brodés. À l'extérieur. Nous étions comme des écorchés, mais amplifiés. Les décors de Balthus étaient inspirés de Piranèse. Et la scène des assassins, justement, était vraiment une des plus applaudies. Et il y avait aussi une scène du banquet, quand Chen Shi se révolte contre tous ses hôtes. Artaud avait réussi à placer tous les invités dans un triangle, avec le prince Colonna, en tête de ce triangle, dans la pointe, n'est-ce pas? Et à chaque mouvement que faisait Chen Shi, tout le triangle d'une 20aine de comédiens se déplaçait aussi. Et il y avait une grande recherche tout de même dans le jeu des comédiens. C'est ainsi qu'il avait demandé à chacun des invités, n'est-ce pas, qui devait faire justement ces hommes de la Renaissance, très rapaces, enfin, et de figurer des animaux. Comme de s'identifier à un animal, chacun en particulier. Thank you. poser cette question. Est-ce que la musique est très importante dans votre existence ? Elle est importante dans la mesure où je la fuis le plus possible. Seulement, il y a une aggravation. Il y a une aggravation des choses. Actuellement, on ne peut guère entrer dans un café sans avoir. Il y a encore à Paris quelques cafés où il n'y a pas d'appareil à musique. Mais quelle que soit la musique d'ailleurs, le fait qu'on vous impose la musique, n'est-ce pas, et qu'un bonhomme, sous prétexte qu'il met 100 balles dans un truc, oblige les autres à l'entendre, que les gens prennent des écouteurs ou qu'ils fassent ça chez eux, ça les regarde, n'est-ce pas, mais cette intrusion, ce viol, n'est-ce pas, est impossible. Et si bien, qu'est-ce qui est exactement apte à vous émouvoir ? Piaf, par exemple, ou... Fréhel, que j'allais voir souvent, Damia, Yvonne Georges, que j'ai connue. Au fond, je préfère la chansonnette. Cache le ciel par leur toiture, on ne reconnaît les saisons aux légumes des petites voitures. Dans cette rue sale et sans trottoir, les moineaux, les gosses, tout s'appioille, ce qu'on peut s'y amuser pour voir. J'étais l'aîné toute une marmaille. C'est une petite rue, c'est le bout du monde. Il n'y a pas de danger qu'on la confonde. Sur le plan, elle n'a pas de nom. On dit d'elle au champ le menton. C'est la rue sans nom. C'est une petite rue pleine d'aventures. Dès le matin, elle sent la friture. À midi, les gosses dansent en rond. Le soir, on joue de l'accordéon. Dans la rue sans nom. La rue sans nom. Dans un coin noir. J'ai travaillé, je me souviens, dans la rue sans nom avec Pierre Chenal. Nous avons tourné dans une petite rue que Chenal avait découverte. Près de la porte de Clichy, je crois. Une rue, en effet, qui n'avait pas de nom. Alors nous avons tourné au milieu des gens de la rue et les acteurs s'y sont mêlés. Je me souviens encore de cette rue encombrée des rails d'un travelling. On dit d'elle au champ le menton. C'est la rue sans nom. C'est une petite rue pleine d'aventures. Dès le matin, elle sent la friture. À midi, les gosses dansent en rond. Le soir, on joue de l'accordéon. Dans la rue sans nom. Je me trouve avoir été le témoin d'une certaine époque. Et ce qu'on ne fait jamais dans les monographies, et si quelquefois sur des gens, c'est de voir tous les liens qu'il y a eu entre gens d'une même époque. Pas qui étaient destinés à se rencontrer plus ou moins tôt, ou que le hasard a fait rencontrer. Mais ce hasard devait se produire, n'est-ce pas ? Il n'y a pas eu vraiment de choses. Il était normal que même si par Gilson je n'avais pas connu Artaud, je l'aurais rencontré, j'aurais cherché à le voir. Et Picasso, par exemple, je n'ai pas cherché à le voir, j'ai rencontré dans un escalier. Et alors là, il m'a fait tout un discours comme quoi on devrait habiter les escaliers plutôt que les appartements. Et enfin, la plupart de mes contemporains qui, parallèlement à moi, évidemment, font de leur vie quelque chose qui n'est pas seulement la recherche du bistec ou de la chose, ben, je devais les rencontrer. Mais c'est dans ces milieux-là que j'ai rencontré Prévert. Je suis entré dans le groupe Octobre vers la fin. Les frères Prévert, Jacques et Pierre. Ils étaient tous mes amis, j'étais un de leurs groupies fanatiques. Groupe Octobre, 1936. Je suis monté sur une scène pour la première fois dans le groupe Octobre. Nous donnions des représentations dans les usines, surtout au moment de juin 36. C'était un groupe de théâtre ouvrier qui était plus ou moins lié au Parti communiste. Et qui allait dans les fêtes, dans les goguettes, dans les fêtes populaires, donner des représentations qui aussi montaient des textes, des cœurs parlés sur des sujets d'actualité. Et Prévert écrivait pour le groupe Octobre des sketchs Il y avait certains de ces poèmes qui ont été dits, encore parlés par nous. Et ma première apparition en public, enfin en tant qu'acteur, pris d'une trouille insensée, était une revue qu'il avait fait pour les Bretons émancipés de Paris, qui s'appelait « Suivez le druide », que nous avons donné à Saint-Cyr-l'École. Tous les spectacles étaient dirigés contre l'idéologie bourgeoise. Anticolonialistes, anticapitalistes, antifamille, antimilitaires, ils étaient anti-tout ce qu'était l'idéologie dominante. Le groupe Octobre n'a pas survécu au tournant politique du Parti communiste en 1938 à la suite du pacte Laval-Staline. Tout ce que le groupe Octobre vomissait, tout ce contre quoi il luttait, était devenu sacré. La patrie, les slogans tels que « Vive l'armée », « Ne tendons pas le poing aux prêtres », « Retroussons nos manches », etc. Tout notre programme, ce à quoi nous croyions, était foutu en l'air. Le groupe Octobre a donc éclaté en 1938. Et avec quelques camarades, nous avons essayé de monter des spectacles moins politiques, des comédies satiriques. C'est ainsi que Prévert a écrit « Bonne nuit, capitaine ».« Bonne nuit, capitaine », qui était l'histoire d'un capitaine de bateau qui a horreur de la mer et qui conseille aux promeneurs d'aller par la route. Je devais interpréter un peintre assez ridicule qui s'appelait Jean-Gabriel Pascal Branche, à cause de Jean-Gabriel Domergue, qui était un peintre officiel. Jacques Prévert, Bonne nuit, capitaine. Pièce radiophonique, 1948. Bonjour, monsieur Dame. Il y a de la place à l'intérieur, à l'ombre, si vous préférez. Et vous, monsieur Branche, vous n'avez pas soif à peindre comme ça, toujours en plein soleil? Oh, tiens, vous êtes là, madame Armandine. Excusez-moi, mais vous savez qu'en chemin, je suis tellement concentré en moi-même que j'ignore absolument le monde extérieur. Oh, Lucienne! Bonjour. Bonjour, capitaine. Chut, alors, on ne prononçait pas ce nom ici. Tous ces gens m'attendent et je ne tiens pas du tout à les rencontrer. J'ai parlé à Lucienne, mon cher Pascal. Ah, et alors? Et qu'est-ce qu'elle a dit? Bon, des tas de choses. Enfin, vous allez voir ça vous-même. Je vous laisse, mes enfants. Hein, Pierre-Noël Armandine! Papa! Lucienne, si vous ne m'aimez pas, dites-le-moi tout de suite, mais laissez-moi parler d'abord. Je sais bien que je ne vous suis pas si indifférent, d'abord parce que je ne suis pas vilain garçon, et ensuite parce que je suis artiste. C'est vrai, je vibre comme un archer. Et puis je ne suis pas un bohème, nous aurons de quoi vivre, vous verrez, ma vieille maman est charmante. Et puis je suis officier de réserve et membre de plusieurs sociétés nautiques, et quand nous aurons des enfants... N'insistez plus, nous n'aurons pas d'enfants, monsieur Branche, pas un seul enfant. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais pour avoir des enfants, il faut faire l'amour. Et jamais je ne ferai l'amour avec vous. J'ai horreur des artistes peintres. Ils ont les cheveux trop longs, même lorsqu'ils sont trop courts. Alors, Lucienne, j'ai compris. Ma vie est démolie, brisée, cassée. Je sais ce qu'il me reste à faire. Partir. Partir au loin pour oublier. Partir dans les îles. Les îles du Pacifique. Tahiti, Honolulu, Tahiti. Partir. Oh, partir loin, loin pour vous oublier, Lucienne. Partir sur la mer démontée, mais partir tout de suite. Partir, partir. Quelques instants plus tard, sur le bateau. Lucienne, écoutez-moi. Oh, mais lâchez-moi, voyons, qu'est-ce qui vous prend? L'heure est grave, l'heure est particulièrement grave. Nous allons peut-être tous mourir, mais avant de mourir, je veux vous posséder, Lucienne. Hein? Vous posséder. Si le capitaine n'était pas devenu fou, il nous marierait in extremis et sur le champ. Mais comme votre malheureux père a perdu la raison, je prends le commandement, je suis le capitaine. Lucienne, et je vais nous marier tous les deux. Lucienne, devant Dieu et devant les hommes, acceptez-vous de me prendre pour mari? Non, non, Lucienne, en qualité de capitaine, je remplace votre père qui vous aurait obligé à dire oui. Je réponds donc oui pour vous. Et oui, pour moi aussi. Dans mes bras, Lucienne, nous sommes unis. Retirez-vous tous au fond du navire. Éloignez les enfants. Laissez-nous seuls. Nous allons consommer l'acte nuptial. La gueule, le peintre, non mais sans blague. Hein? Quoi? Oh! J'avais pourtant juré à ma pauvre mère de ne jamais frapper une femme. Oh. Oui, mais c'en est trop. Tenez. Cochon, cochon, il n'y a plus personne à la barre. Cochon, mais ça remue terriblement. Restez là, les enfants. La barre, tenez la barre. Mais c'est pas réglé, voyons. Oh, mais c'est pas réglé. complainte de Fantômas. À Valmont doit un fantôme, à Valmont doit un fantôme. Sur la rivière marchait, en vain Juve le cherchait. Effrayant vieillards et mômes, c'était Fantômas qui fuyait après le coup qu'il avait fait. La police d'Angleterre, la police d'Angleterre, par lui fut mystifiée, mais à la fin arrêtée, fut pendu et mis en terre. Devinez ce qui arriva, le bandit en réchappa. Le cercueil est cloué. C'est fait. On peut partir, monsieur ? Vous pouvez. Lady Beltham, venez par ici, venez. Comment ? Vous, Juve ? En policeman anglais ? J'ai promis à Fantômas de le faire échapper à la mort, à condition qu'il me dise où est Fandor. Fantômas ? Il n'est pas mort ? N'est-ce pas son cadavre ? Ce petit tube de caoutchouc durci, ce petit tube introduit dans sa gorge, lui a permis de respirer. Il n'est qu'en syncope. Aidez-moi. Ah, passez-moi la seringue de Pravaz et les ampoules. L'éther. Tenez, prenez-lui les bras comme ça. Il ouvre les yeux. Il vit. Où suis-je ? Fantômas, j'ai tenu ma promesse. Je vous ai sauvé la vie. Robert Desnos, Léo Ferré. La complainte de Fantômas. Et Jacques Prévert, Le métro fantôme, 1951, avec Olivier Husneau. Ah, bonjour, monsieur le chef de gare. Bonjour, monsieur. Joli temps, n'est-ce pas ? En effet, il y a beaucoup de monde sur le quai ce matin. Mais c'est comme ça, les gens ont leurs heures. On ne sait pas encore à quoi ça tient. Taches de soleil, rayons cosmiques. Ah oui, oui. Comme c'est intéressant. Dites-moi, est-ce qu'il n'y a jamais quelqu'un qui se suicide dans le métro ? Quelqu'un qui... Oh, mon Dieu, non. Enfin, si, quelquefois. Mais jamais à ma station. Oh. Et entre nous, mon ami, est-ce qu'il y a quelquefois des crimes dans le métro ? Des crimes dans le métro ? Il y en a bien quelquefois, n'est-ce pas ? Ah, non. Ah, attendez, je crois me souvenir... Ah. Ah, ben non, je me souviens pas. Bon, ce sera pour la prochaine fois. Merci. Excusez-moi, voilà la rame. Quelques instants plus tard. Eh bien, mon pauvre Galisson, vous voyez bien qu'il y a quelquefois des crimes dans le métro, hein ? Oh, c'est vous, monsieur ? Mais vous vous moquez de moi ? Mais non, j'ai assisté au drame, voilà tout. Et je vous cherchais, justement. Vous êtes bien bon, monsieur. Ah, c'est que j'ai toujours eu de la sympathie pour vous. Mais moi aussi, j'en avais pour vous, monsieur. Je me disais, voilà enfin quelqu'un de bien, quelqu'un de très bien. Et je pensais, ce monsieur-là est sûrement docteur. Ah, écoutez, Galisson, venez avec moi et causons en marchant. Vous ne vous trompiez pas de beaucoup. Je suis professeur. Ah, ben voilà. Professeur de quoi, demanderez-vous ? Je n'en sais rien moi-même. L'essentiel est d'être professeur. Et quand on est professeur, on peut faire des expériences, vous comprenez ? Et pour moi, faire disparaître quelqu'un, ce n'est plus qu'un jeu. Faire disparaître quelqu'un ? Ah, vous me croirez si vous voulez, mais j'ai fait disparaître un chameau. Allez, quelle blague. Monsieur Calisson, je ne plaisante jamais. Un chameau ? Je vous en prie, monsieur Calisson, allez au jardin des plantes et comptez les chameaux. La semaine dernière, il y en avait 3. Eh bien, depuis hier soir, il n'y a plus que 2 chameaux. Où est l'autre ? Retournez-vous, monsieur Calisson. Il est là. Où ça ? Je ne vois rien. Il est là. Vous ne le voyez pas. parce que ce n'est plus qu'un fantôme de chameau. Mais moi, je le vois. Il nous suit. Vous êtes sûr que... D'ailleurs, attendez. Voilà une fontaine Valas. Je vais lui donner à boire. Vous savez ce qu'on dit, sobre comme un chameau, parce que le chameau ne boit que de l'eau. Eh bien, voyez, je remplis le gobelet. Je le tends à l'animal. Regardez vous-même. Le chameau boit. L'eau baisse dans le gobelet. Et j'entends qu'il boit. Oh, ben vous alors. Assez, ça suffit. Va-t'en maintenant. Vous êtes convaincu, monsieur Calisson. Vous ne pouviez le voir puisque c'est un fantôme. Pourtant, il est là. Je t'ai dit de te sauver, animal. C'est formidable. N'est-ce pas? Eh bien, mon cher, ce que j'ai fait là pour un animal, je puis le faire pour un homme. Ce sera le couronnement de ma carrière. Et vous, Calisson, vous serez célèbre. Moi? Ben, je ne saisis pas. Écoutez-moi bien, Calisson, d'où vient le malheur des hommes? De la vie telle qu'on la voit, qu'on la fait. Un fantôme, lui, il est heureux, il fait tout ce qu'il veut, comprenez-vous? Ben, je ne dis pas, mais... Si vous êtes malheureux, c'est parce que vous vous croyez malheureux. Si vous vous croyez malheureux, c'est que vous vous croyez chef de gare. Chef de gare révoqué par-dessus le marché. C'est de plus en plus lamentable. Bientôt, qu'est-ce que vous croirez que vous êtes? Tandis que, si vous étiez fantôme, vous n'auriez plus aucune raison de vous croire malheureux. Oh, c'est bien possible, ça. Mais ça me fait quelque chose. Ah, je vous dis qu'être fantôme, c'est la belle vie. Plus aucun souci. C'est pour vous mettre à l'abri des dangers que je vous offre mes bons offices. Venez, Calisson. Venez, mon cher ami. Et le docteur emmène Calisson chez lui, quelque part en banlieue. C'est dans une impasse, un atelier d'artiste, où il a installé d'étranges appareils photographiques, et d'autres très compliqués, avec des cures, et des appareils de prise de vue cinématographique bizarres, et d'autres encore si effrayants par leurs dimensions, que Calisson en reste muet de saisissement. Et quand ses regards se portent sur les murs, il voit des photographies d'un genre très ancien et très étrange. Vous êtes photographe? Photographe, oui. Mais ce qui m'intéresse, c'est la spectrographie. L'appareil que vous voyez là est un appareil de spectrographie. Je vais vous expliquer. Quand on photographie quelqu'un, on fixe un aspect du personnage, une apparence. On colle cette apparence sur un petit morceau de carton et le tour est joué. Un morceau de l'individu est capté, vous y êtes. Oui, oui, oui, monsieur le professeur. Mais avec mon appareil et grâce aux rayons glaciaires, grâce à mon procédé spectral et néolarvaire, je peux tirer 1,825,763 photos au quart de seconde. C'est-à-dire qu'en un quart d'heure, je vous fais plus de photographies qu'on ne pourrait vous en faire en 50 ans avec le procédé habituel. Vous pensez bien qu'après cela, toutes vos apparences ont été captées et qu'il ne vous en reste aucune. Donc, on ne peut plus vous photographier. Et si on ne peut plus vous photographier, c'est qu'on ne peut plus vous voir. Vous êtes en dehors. Vous saisissez? Non. Ça ne fait rien, moi non plus. Je ne saisis pas très bien moi-même. Mais l'homme qui invente n'a pas à égaler la chose inventée. Les événements nous dépassent, aussi vrai que la lune est le fantôme du soleil. Mon système est peut-être faux, sans doute. Mais qu'est-ce que cela peut faire, puisque mon appareil est bon? C'est avec de très mauvais chiffres qu'on fait souvent les meilleures additions. Venez ici, monsieur Calisson. Asseyez-vous sur ce siège. Il est fixé sur une petite plaque tournante, comme vous voyez. Mais monsieur le professeur... Voulez-vous continuer à n'être qu'un pauvre déchet de la société, au lieu de devenir un être qui ne craint plus personne, ni Dieu ni diable? Oui, oui, bien sûr, mais... Asseyez-vous! Oui. Oh, oh là! Bien. Je vais d'abord vous retirer le relief, puis la couleur. Pour la parole, nous verrons plus tard. Les hommes ont la parole trop facile. Alors vous comprenez, c'est difficile. Un peu plus tard, dans 2 ou 3 ans, je vous enlèverai la mémoire. Et vous serez un fantôme extrêmement satisfaisant. Attention, ne bougez plus. Oh, mais dites donc, ne faites pas un mouvement, ne dites rien. Pour le moment, je photographie vos souvenirs. Eh bien, voilà, mon cher, c'est parfait. Eh ben... Tout est terminé. Pour un beau fantôme, vous êtes un beau fantôme. Et si vous voulez vous regarder dans la glace... Oh, je pense bien, mais... Mais dis donc, je ne vois rien, moi. Parbleu, puisque vous êtes invisible. Mais si vous voulez bien voir, venez par ici. Regardez. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, des photographies. Oh, par exemple! Oh, me voilà quand j'étais petit. Et là, tiens, j'ai un bonnet d'âne. À l'école. Et là, je suis militaire, hein. Et là, je... Tous vos souvenirs, quoi. Oh, oh, oh, que je suis à plaindre. Mais qu'est-ce que vous avez encore? Là, sur la photo, c'est moi à côté de Sylvia, en première communiante. Oh, ma pauvre petite fille que je ne reverrai plus. Ah, vous lui avez dit vous-même, va-t'en, je ne veux plus te voir. Bah, bien sûr, c'est des choses qu'on dit comme ça, hein, et on les regrette. 1946. En 46, j'ai tourné dans un film de Gréville, Pour une nuit d'amour. Dans ce film tiré d'une nouvelle d'Émile Zola, je jouais le rôle d'un postier de village qui, par amour pour une femme, se laisse embringuer dans une histoire terrible. Il se laisse accuser d'un meurtre. La femme qu'il aime tue son amant et promet à cet employé des postes un peu naïf et amoureux une nuit d'amour s'il la débarrasse du cadavre. C'est une histoire vraiment très triste. C'était mon premier vrai grand rôle au cinéma. Je pensais que les acteurs français de cette époque étaient plutôt des speakers. Moi, j'éprouvais le besoin de jouer avec le corps. Les gens étaient souvent déroutés. Edmond T. Gréville. Pour une nuit d'amour. 1946. Avec Odette Joyeux. Qui vous a dit que j'étais ici? Michon, le cordonnier. Pourquoi êtes-vous venu? Il fallait que je vous vienne, Julien. Les gendarmes sont sur vos traces. Il faut fuir. Vous avez sans doute peur que je parle quand je serai dans leurs mains. Non. Aussi longtemps que je me cacherai, vous serez plus tranquille, n'est-ce pas? Après tout, ma fuite est un aveu. Mieux vaut pour vous la prolonger. Je ne redoute pas la vérité. Je l'ai dite, je l'ai criée à tout le monde. Ils n'ont pas voulu me croire. Et j'ai peur qu'ils ne vous croient pas davantage. Mes parents feront tout pour vous perdre et pour me sauver. Allez-vous-en, Julien, vous voyez, je suis franche. Il faut fuir grave. Plus rien n'est grave maintenant. Grâce à vous, j'avais oublié un instant que j'étais laid, pauvre, seul. J'ai cru en moi parce que j'ai cru en vous. Maintenant, tout est fini. Laissez-moi à ma laideur, à ma solitude, à ma pauvreté. Ne parlez pas de pauvreté, Julien. J'ai réuni tout ce que je possède. Je vous le donne. Vous allez partir. Vous pouvez refaire votre vie. Mais je ne veux pas qu'ils vous prennent. Je ne veux pas qu'ils vous condamnent. Ils me prendront, ils me condamneront. À moins qu'ils ne me tuent sur place. Comme un bandit. Comme le bandit que je suis devenu par vous. Pour vous. Julien, vous me faites mal. Vous ne pouvez pas comprendre. On croit l'assassin de Colombelle, ce n'est pas ça que je vous reproche. C'est de m'avoir permis de croire à l'amour. De croire qu'en vous servant, je me rapprochais de vous, alors que tout nous sépare, nos vies, nos rêves, nos classes. Voilà votre vrai crime, Thérèse. Allez-vous-en. Laissez-moi vous aider, Julien. Allez-vous-en. Reprenez votre place dans la société. Et laissez-moi la mienne. Théâtre Sarah Bernard, 1946. Hommage à Antonin Artaud. Je suis vraiment tombé dans le vide depuis que tout de ce qui fait ce monde vient d'achever de me désespérer. Car on ne sait que l'on n'est plus au monde que quand on voit qui vous a bien quitté. Mort, les autres ne sont pas séparés Ils tournent encore autour de leurs cadavres. Et je sais comment les morts tournent autour de leurs cadavres depuis exactement 33 siècles que mon double n'a cessé de tourner. Or, n'étant plus, je vois ce qui est. Je me suis vraiment identifié avec cet être qui a cessé d'exister. Et cet être m'a tout révélé. Je le savais, mais je ne pouvais pas le dire. Et si je peux commencer à le dire, c'est que j'ai quitté la réalité. C'est un vrai désespéré qui vous parle et qui ne connaît le bonheur d'être au monde que maintenant qu'il a quitté ce monde et qu'il en est absolument séparé. Morts, les autres ne sont pas séparés. Ils tournent encore autour de leurs cadavres. Je ne suis pas mort, mais je suis séparé. Parce que je prévois la destruction totale par l'eau, la terre, le feu et par une étoile qui occupera la surface totale de l'air où l'esprit de l'homme a baigné, je prêche aussi la destruction totale, mais consciente et révoltée. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que brûler est une action magique et qu'il faut consentir à brûler, brûler d'avance et tout de suite, non pas une chose, mais tout ce qui pour nous représente les choses, pour ne pas s'exposer à brûler tout entier. Tout ce qui ne sera pas brûlé par nous tous et qui ne fera pas de nous tous des désespérés et des solitaires. C'est la terre qui va le brûler. Avec Artaud, nous avions en commun une difficulté de parole. Et j'ai pu comprendre, à cause de ça, à quoi correspondait chez Artaud son désir de dépasser la parole humaine, de bien dire. Mais cette impossibilité qu'il y a souvent, avec la langue française qui n'a pas d'accent tonique, de partir de l'onomatopée jusqu'au mot. Et je me souviens, étant enfant, nous avions inventé un langage. C'est-à-dire des glossolalies, un langage absolument inventé. Avec une jeune camarade, en 1912, nous parlions comme ça. À longueur de journée, quelque chose qui était voisin souvent d'une langue étrangère, et c'est ainsi que je me suis trouvé, jouant avec Barreau, la fin de Hamsun. Et il avait écrit pour moi. C'est un thème que je lui avais suggéré, c'est un roman extrêmement beau. Et au lieu de faire un truc mimé ou monologué pour un seul acteur, il avait imaginé un double. Et dans les premières scènes, alors que le personnage se réveille dans sa chambre froide et que le monde petit à petit se découvre à lui et que toutes ses angoisses reviennent, son double est à côté de lui et il l'interroge. Et son double répond, et je répondais en tant que double. Comme ça, je me levais derrière lui et je répondais dans ce langage inarticulé et qui était chaque soir différent. C'était en 1939. Et je me souviens, quand Artaud est revenu de Rodez, il y a eu des séances dans la galerie de Pierre Loeb. Et avec un tisonnier, il tapait sur un radiateur. C'était un peu pareil dans « Pour en finir avec le jugement de Dieu ». Lui-même parsemait ses textes de chansons, de petites chansons inventées qui étaient des exorcismes, et que lui-même psalmodiait sur l'air du carnaval. Tu t'en vas et tu nous laisses et tu t'en vas. Enfin, je sais pas, quelque chose comme ça. Et aussi entrecoupé de hurlements. Enfin, certains mots, il voulait hurler. Il m'avait demandé de faire avec lui un dialogue en cri. Il faisait les questions. Et moi, je faisais les réponses. Je m'aidais moi-même en tapant du poing sur une grosse caisse, et lui, il était au cymbalum, en scandant des textes hurlés qu'il envoyait, et quand il était à bout de souffle, je lui répondais. Ce qu'il cherchait, je crois, c'était la conversation de deux singes dans une cage un jour d'orage.

Cela vient de ce que l'homme, un beau jour, a arrêté l'idée du monde. Deux routes s'offraient à lui. Celle de l'infini dehors, celle de l'infime dedans. Et il a choisi l'infime dedans, là où il n'y a qu'à presser le rat, la langue, l'anus ou le gland. Et Dieu, Dieu lui-même a pressé le mouvement. Dieu est-il un être? S'il en est un, c'est de la merde. S'il n'en est pas un, il n'est pas. Or, il n'est pas. Mais comme le vide qui avance avec toutes ses formes, dont la représentation la plus parfaite est la marche d'un groupe incalculable de morpions. Vous êtes fou, monsieur Artaud. Et la messe? Je renie le baptême et la messe. Il n'y a pas d'acte humain qui, sur le plan érotique interne, soit plus pernicieux que la descente du soi-disant Jésus-Christ sur les autels. On ne me croira pas, et je vois d'ici les haussements d'épaules du public, mais le nommé Christ n'est autre que celui qui, en face du morpion Dieu, a consenti à vivre sans corps, alors qu'une armée d'hommes, descendus d'une croix, où Dieu croyait l'avoir depuis longtemps cloué, s'est révolté et bardé de fer, de sang, de feu et d'ossements, avance, invectivant l'invisible, afin d'y finir le jugement de Dieu. C'était la première de vos mises en scène. Ben, c'était la Sonate des Spectres de Strindberg. Et Strindberg est un très grand auteur moderne. Quoique mort depuis 1912. Et alors, il se trouve que Strindberg a achevé la Sonate des Spectres le jour de ma naissance. Auguste Strindberg, la Sonate des Spectres, Théâtre de la Gaîté Montparnasse, 1949. Voici le libérateur. Sois le bienvenu, pâle sommeil. Et toi, belle, malheureuse et innocente enfant, toi qui n'as pas mérité tes souffrances, dors sans faire de rêve. Et quand tu t'éveilleras, puisse t'accueillir un soleil qui ne brûle pas dans une demeure sans poussière. Puisse tes parents sans infamie et un amour sans crime te faire accueil. Toi, sage et doux Bouddha, qui reste assis là, attendant que de la terre sorte un ciel, accorde-nous la patience dans les épreuves, la pureté de volonté, afin que l'espérance ne s'abîme pas dans la honte. Il me sembla, quand je vis le soleil, que je voyais celui qui est caché. Tout homme jouit du fruit de ses œuvres, bienheureux qui pratique le bien. Les actes que tu as commis dans la colère expilés sans révolte, console celui que tu as affligé, avec bonté cela te sera compté. Nul n'a de frayeur qui n'a pas péché, il est bon de vivre exempt de faute. Pauvre petit enfant, enfant de ce monde de l'illusion, de la faute, de la souffrance et de la mort, du monde de l'éternel changement, des déceptions et de la douleur. Que le roi des cieux te soit favorable dans ton voyage. Et Dieu essuiera les larmes de vos yeux, et la mort n'existera plus, ni la souffrance, ni les cris, ni la douleur n'existeront plus, car la première vie est passée. Je n'ai pas de point de vue sur le théâtre, et ce n'est pas de la coquetterie de ma part. Je pense simplement que seul le texte décide. Il y a des pièces qui exigent que l'on montre au spectateur comment ça fonctionne, et au contraire, des pièces qui exigent qu'on cache tout. Il y a des spectacles pour lesquels la technique agit un peu en coup de poing, et d'autres qui exigent que les trucs de mise en scène et la technique soient invisibles, et agissent à la manière d'une toile d'araignée. Un texte n'est jamais pour moi un prétexte pour exprimer mes propres fantasmes. D'une façon générale, je crois être fidèle complètement aux auteurs, car c'est cela qui m'intéresse. Comprendre et m'intégrer parfaitement à un auteur quand je monte une de ses pièces. Deviner sa pensée ou sa viande quand il l'a écrite. Et l'aider, peut-être, à réaliser pour le théâtre l'esprit de son texte. Je suis parfois en deçà ou au-delà de ce que l'auteur imaginait, mais je crois que je vais dans son sens. Toujours. En 49, nous avions évidemment un tas de désir à rentrer, et dès qu'on a eu comme ça les mains libres et un peu d'argent, on s'est précipité à monter ce qui nous tenait à cœur. En premier lieu, la sonate des spectres de Strindberg, qui a eu 100 représentations et 15 spectateurs à peu près à chaque représentation. Mais parmi ces 15 spectateurs, deux fois, il est venu un homme qui s'appelait Samuel Beckett et qui m'a passé la pièce en attendant Godot. Je crois que Beckett a décidé de me faire porter Godot pour deux raisons. La première, peut-être, c'est que mon travail lui avait plu et il pensait qu'il ne serait pas trahi trop. Et puis, la seconde raison, c'est qu'il n'y avait personne dans la salle. Je crois que c'est ça qui lui a plu davantage. J'ai fait lire à beaucoup de directeurs de théâtre, tout le monde m'a ri au nez, une pièce sans femme, sans histoire d'amour, où il ne se passe rien, où des gens attendent, où le sujet de la pièce est en l'ennui, hein, pour ainsi dire, et arriver à ne pas ennuyer sur l'ennui. Vraiment, c'est un tour de force. Finalement, je l'ai porté à Jean-Marie Serrault, mais auparavant, j'avais, en désespoir de cause, déposé la pièce pour la commission de l'aide à la première pièce. La pièce dormait depuis un certain temps, jusqu'à ce que je rencontre Georges Neveu, à qui je dis, vous avez certainement dans les piles de pièces que vous recevez pour la commission, en attendant Godot, faites-moi l'amitié de la lire, n'est-ce pas ? Et le lendemain, j'ai reçu un pneumatique que je n'oublierai jamais, de Georges Neveu me disant, enfin, il faut absolument monter cette pièce, je me battrai pour, enfin, il avait compris tout de suite. Et alors, dans cette commission, qui distribuait quelques aumônes selon un échantillonnage, une pièce religieuse, une pièce boulevard, une pièce à thèse, une pièce n'importe quoi. Alors, il y avait des petits reliquats pour l'avant-garde, comme ça. Alors, j'ai bénéficié de ça, on m'a accordé quelque chose de l'ordre de 500 000 francs anciens, que j'ai porté à Serrault. Oui. Mais alors, finalement, au bout d'un an, le théâtre était en difficulté. Ben, on s'est dit, ben, risquons le tout pour le tout. S'il faut mourir, mourons en beauté. Et puis, comme ça, le 3 janvier 1953... Arrière ! 3 janvier 1953, théâtre de Babylone. Lâche-moi ! Restez tranquille ! Attention, il est méchant ! Avec les étrangers. C'est lui ? Qui ? Voyons, Godot ? Voilà. Je me présente, Pozzo ! Mais non, il a dit Godot. Mais non ! Vous n'êtes pas monsieur Godot, monsieur ? Je suis Pozzo ! Ce nom ne vous dit rien ? Je vous demande si ce nom ne vous dit rien. Pozzo ? Pozzo ? Pozzo ! Ah, Pozzo ! Voyons, Pozzo. C'est Pozzo ou Pozzo ? Pozzo, non, je ne vois pas. J'ai connu une famille Gozzo. La mère brûlée au tambour. Nous ne sommes pas d'ici, monsieur. Vous êtes bien des êtres humains, cependant. À ce que je vois. De la même espèce que moi. De la même espèce que Pozzo. D'origine divine. Oh, je te dis, hein. Qui est Godot ? Godot ? Vous m'avez pris pour Godot. Ah non, je n'honore pas un seul instant, monsieur. Qui est-ce ? C'est un... Enfin, c'est une connaissance. Mais non, voyons, on le connaît à peine. Ah oui, oh, évidemment, ça, on ne le connaît pas très bien. Ah ben, tout de même. Pour ma part, je ne le reconnaîtrai même pas. Vous m'avez pris pour lui. Mais, c'est-à-dire, l'obscurité, la fatigue, la faiblesse, l'attente, j'avoue, j'ai cru... Vous ne l'écoutez pas, monsieur, l'écoutez pas. L'attente ? Vous l'attendiez donc ? Oh, j'étais dit... Ici, sur mes terres ? On pensait pas, mais... C'était dans une bonne intention. Tant pis, la route est à tout le monde. Ah, c'est ce qu'on se disait. C'est une honte, mais c'est ainsi. On n'y peut rien. Ne parlons plus de ça. Debout ! Chaque fois qu'il tombe, il s'endort. Debout, Sean ! En attendant Godot de Samuel Beckett, Roger Blin, Jean Martin, Lucien Rimbourg, Pierre Latour. Beckett, quand je lui ai demandé de me décrire ces personnages, il n'a rien pu me dire. Il y a une chose dont il était absolument sûr, c'est qu'ils avaient des chapeaux melons. Je pense que c'est la seule chose. Donc il a fallu que je les imagine. J'ai vu quelques représentations de Godot sans chapeau melon. Et ça n'avait pas beaucoup de sens, parce que le chapeau melon, comme le chapeau melon de Chaplin, n'est-ce pas, c'est une espèce d'indice de dignité, n'est-ce pas, et dans l'univers anglo-saxon et irlandais, ça compte beaucoup, n'est-ce pas, le dernier des clochards ou le dernier des pauvres petits bourgeois qui n'a pas un chapeau melon, vraiment, c'est toute dignité, tout le camp, oui. Par la suite, j'ai imaginé Pozzo, que j'ai joué avec un faux ventre et un faux crâne, parce que j'étais le contraire de ce que je voyais comme personnage. N'est-ce pas, évidemment, l'idéal aurait été Michel Simon ou bien W.C. Fields. Alors, je me suis référé à des gravures anglaises représentant des gentlemen farmers, des choses comme ça. Un personnage qui est très misérable en lui-même, c'est le plus dénué, sauf qu'il a une voix, et il gueule, c'est tout. Il a une autorité vocale, mais c'est le plus inquiet, c'est plutôt le plus vieux d'ailleurs. Un critique italien a dit à propos de Pozzo, c'est un maigre qui pleure à l'intérieur d'un gros. J'étais plutôt maigre, et Beckett voyait Pozzo plutôt comme une masse de chair. Je me suis donc grimé complètement. Je pense que Pozzo, comme les autres, n'est pas adulte, et qu'il est le plus con des quatre personnages, le plus innocent, le plus vieux aussi, et que, malgré son désir de paraître autoritaire devant les autres, malgré ses coups de gueule fréquents, il loupe tout le temps ses effets. C'est un cabotin type. Il fume la pipe et s'essouffle, car il est obèse avec une maladie de cœur. Il a également les pieds plats. Il marche difficilement avec les pieds très ouverts. C'est son ventre qui le dirige. Il est toujours en représentation devant les autres. Foutez-lui la paix ! Vous ne voyez pas qu'il veut se reposer ? Peignez ! Peignez ! Que voulez-vous ? Ce n'est pas son travail. Ça va mieux. Monsieur ! Qu'est-ce que c'est, mon brave ? Vous ne mangez pas, vous n'avez plus besoin des os, monsieur ? Vous pouvez pas attendre, non ? Mais c'est tout naturel, c'est tout naturel. Si j'ai besoin des os, non, personnellement, je n'en ai plus besoin. Mais en principe, les os reviennent au porteur, c'est donc à lui qu'il faut les demander. Demandez-lui, n'ayez pas peur, il vous le dira. Monsieur. Pardon, monsieur. On te parle pas, réponds. Allez-y. Pardon, monsieur Lézo, vous les voulez? Monsieur. Réponds, tu les veux ou tu ne les veux pas? Elles sont à vous. C'est pourtant bizarre, c'est bien la première fois qu'il me refuse un os. J'espère qu'il ne va pas me faire la blague de tomber malade. C'est une honte! Faites-vous allusion à quelque chose de particulier? Traiter un homme de cette façon, un être humain... Oh non, c'est une honte! Un scandale! Vous êtes sévère. Quel âge avez-vous sans indiscrétion? 60, 70? Quel âge peut-il bien avoir? Demandez-lui. Je suis indiscret. Je vais vous quitter. Merci de m'avoir tenu compagnie. À moins que je ne fume encore une pipe avec vous. Qu'en dites-vous? Oh, je ne suis qu'un petit fumeur, un tout petit fumeur. Il n'est pas dans mes habitudes de fumer deux pipes coup sur coup. Ça fait battre mon cœur. C'est la nicotine, on en absorbe malgré ses précautions, que voulez-vous? Mais peut-être n'êtes-vous pas des fumeurs. Sinon, enfin, c'est un détail. Mais comment me rasseoir maintenant avec naturel? Maintenant que je me suis mis debout, sans avoir l'air de, comment dire, de fléchir. Vous dites? Peut-être n'avez-vous rien dit. C'est sans importance. Voyons. Ça va mieux. Partons. Déjà? Un instant. Pliant. Me voilà réinstallé. Pardon. J'espère que ce n'est pas moi qui vous chasse. Restez encore un peu, vous ne le regretterez pas. Nous avons le temps. La deuxième est toujours moins bonne que la première, je veux dire. Mais elle est bonne tout de même. Je m'en vais. Il ne peut plus supporter ma présence. Je suis sans doute peu humain, mais est-ce une raison? Réfléchissez! Avant de commettre une imprudence. Mettons que vous partiez maintenant, alors qu'il fait encore jour, car malgré tout, il fait encore jour. Bon, que devient en ce cas? Je suis éteint. Que devient en ce cas, votre rendez-vous avec ce Godet, Godot, Godin, enfin vous voyez qui je veux dire, dont votre avenir dépend. Enfin, votre avenir immédiat. Comment saviez-vous? Voilà qu'il m'adresse à nouveau la parole. Nous finirons par nous prendre en affection. Pourquoi ne dépose-t-il pas ses bagages? Moi aussi, je serais heureux de le rencontrer. Plus je rencontre de gens, plus je suis heureux. Avec la moindre créature, on s'instruit, on s'enrichit, on goûte mieux son bonheur. Vous-même, qui sait, vous m'aurez peut-être apporté quelque chose. Pourquoi ne dépose-t-il pas ses bagages? Mais ça m'étonnerait. On vous pose une question. Une question? Qui? Laquelle? Tout à l'heure, vous me disiez monsieur en tremblant, maintenant vous me posez des questions? Ça va mal finir. Je crois qu'il t'écoute. Quoi? Tu peux lui demander maintenant, il est alerté. Vous demandez quoi? Pourquoi il ne dépose pas ses bagages? Je vous le demande. Demande-lui. Vous me demandez pourquoi il ne dépose pas ses bagages, comme vous dites. Voilà. Vous êtes bien d'accord? Il souffle comme un phoque. Je vais vous répondre. Restez donc tranquille, à la fin, vous me rendez nerveux. Mais viens ici. Qu'est-ce qu'il y a? Il a parlé. Parfait. Tout le monde y est. Tout le monde me regarde. Regarde-moi pas! Parfait. Je suis prêt. Tout le monde y est, tout le monde m'écoute. Alors quoi? Je n'aime pas parler dans le vide. Bon. Voyons. Mon verre. Qu'est-ce que vous m'avez demandé au juste? Pourquoi il... Ne me coupez pas la parole. Si nous parlons tous en même temps, nous n'en sortirons jamais.

La première fois que j'ai lu la pièce, bon, naturellement, chacun qui lit cette pièce pense au cirque. Alors je me suis dit, pourquoi ne montrait-on pas un décor de cirque avec une piste et un truc en velours rouge, etc. Puis après, je me suis aperçu que le cirque existe dans la pièce, mais qu'il est en filigrane et qu'il ne faut à aucun prix, justement, monter ça dans un cirque. Enfin, il reste quelques traces de cette piste, n'est-ce pas, quand même? Parce que Beckett était assez grand garçon pour dire la scène se passe dans un cirque. Alors il a mis la campagne, le soir, un arbre, c'est tout. L'arbre que j'avais dessiné, je le voyais plutôt creux, mince et tordu avec deux ou trois branches seulement. Bien sûr, pour les petits malins, l'arbre, c'est le calvaire, la croix. L'arbre qui, dans la Bible, est toujours écrit avec un A majuscule, et dont Beckett lui-même dit « Seul l'arbre vit ». Beckett assistait assez peu aux répétitions. Il était très dérouté par mes méthodes de travail. Je devrais d'ailleurs dire par mon manque de méthode. Je ne prépare jamais le travail pour le lendemain. Je m'imprègne de la pièce et les choses se mettent en place à partir d'approximations successives, d'essais, de retouches. Dans le travail, dans une certaine gestuelle ou dans les circulations du corps humain ou des différents corps humains, j'essaie que tout sorte du ventre, de la nécessité, de la structure, de la respiration, de la phrase. Ce sont des choses que je sens au bout des doigts. Je dirige avec les doigts des masses, des personnages, des têtes. Un spectacle est une espèce de pâte plastique, et tous les éléments interviennent en même temps. J'ai toujours travaillé avec des auteurs extrêmement précis dans leurs indications. Jamais avec M. Racine ou des auteurs comme lui qui écrivent « Le vestibule du palais, un fauteuil ». Je considère que si le théâtre actuel, le théâtre contemporain, en est au point où il en est, c'est parce qu'il a oublié la nature profonde du théâtre, qui n'est pas la littérature, qui n'est pas simplement le dialogue, mais qui est un rapport du dialogue avec le geste et leur insertion dans l'espace. Arthur Adamoff. Antonin Artaud a montré, a précisé l'importance de l'espace, l'impossibilité qu'il y ait un théâtre réel, un théâtre vrai, en dehors des questions de l'espace, mais personne ne semble avoir suivi ce qu'il a dit. En raison même de la brièveté des paroles dans le texte des pièces d'Adamoff, ce qui constitue pour l'acteur une obligation de jouer à tout prix avec son corps et d'avoir une présence continuelle, d'être absolument intégré à l'œuvre dans les moindres gestes et de ne pas avoir à faire de choses qui sont assez flatteuses dans un autre théâtre, des tunnels lyriques ou des répliques cinglantes, ou même, enfin, avec des mots d'auteur, n'est-ce pas? Les phrases que nous avons à dire dans les pièces d'Adamoff sont des phrases banales de tous les jours, volontairement des phrases toutes faites, des locutions, enfin, un certain langage d'une certaine petite bourgeoisie, ou des petits employés. Ou l'employé des pompes à essence relié à la pompe par un très grand cordon ombilical, ou l'agent de la société d'isolation thermique, ou l'employé de bureau mutilé. Ce que nous devions chercher à mettre dans le texte d'Adamoff, c'est tout l'arrière-plan. Ce sont les silences. Je crois aussi que le théâtre est avant tout une chose double. Et si la mise en scène doit être explicite, si on doit bien savoir de quoi il s'agit, il ne faut pas demander au dialogue de l'être également. Je crois qu'il faut que le dialogue s'éclaire par la mise en scène, mais que le dialogue n'a rien à expliquer. Le malheur du théâtre contemporain, selon moi, c'est de tout vouloir expliquer. Les choses doivent passer par une sorte de présence en dehors du commentaire que les acteurs font sur ce qui se passe. Arthur Adamoff, La grande et la petite manœuvre, Théâtre des Noctambules, 1950. Il y a ce personnage du mutilé que je joue, et qui aime une femme. Et c'est un faux amour, non pas de sa part, mais cette femme ne l'aime pas, ne l'aime jamais, s'intéresse très fragmentairement à lui. Et sa mutilation est, vient de cette recherche des désespérés, de l'amour partagé, avide. Et aussi, il reçoit du fait qu'il poursuit cette espèce de quête individuelle et qu'il refuse d'entrer dans des espèces de normes sociales. Il est mutilé aussi par la société. Enfin, on peut comprendre que c'est un ouvrier d'usine qui a les mains prises dans une machine, il devient manchot. Ensuite, un accident l'oblige à se faire couper une jambe. Ensuite, un autre accident, la deuxième, n'est-ce pas? Mais dans une certaine mesure, il a gagné, n'est-ce pas? Mais il l'a gagné, une espèce de victoire absurde. Arthur Adamoff, La Parodie, Théâtre Lancry, 1952. Je jouais l'employé, personnage d'un optimisme à toute épreuve, qui cherche du travail mais n'en trouve jamais, et est toujours content, qui aime une fille mais ne sait pas trop laquelle. Il suit toutes les femmes qui passent et il est content. Il meurt dans une prison, content, en se disant « j'ai réussi, mais demain, ça ira encore mieux ». Arthur Adamoff, Le Temps Vivant, original radiophonique, 1962. Que faites-vous ici? J'attends. Vous attendez quoi? Je m'attends moi-même. Vous êtes bien sûr que vous n'attendez que vous-même? Pourquoi me dites-vous cela? Parce que je vis plus vite qu'avant. Je ne veux pas vivre plus vite. Le temps n'existe pas. Sans doute. Mais l'espace, lui, me paraît, nous paraît, réel. Où êtes-vous? Ici. Mais encore? Ici. Je sais très bien où je suis, mais je ne me sens pas à l'endroit où je suis. Le mot « j'existe » a-t-il, oui ou non, un sens précis pour vous? Aucun sens, ni précis ni imprécis. D'où venez-vous? De là où j'étais avant. Et c'est le docteur Hirschfeld qui vous a dit de vous promener là où vous êtes maintenant? Je ne suis nulle part maintenant. Je suis coupé de mon propre passé. C'est comme si la vie ne faisait que commencer. C'est comme si cela n'avait pas été. À tel point que cela, tout cela, ce ne sont que des ombres. Qu'est-ce que vous voulez? Que le passé change? Que tout aille pêle-mêle? Mais puisque de toute manière il se rétrécisse, se disloque, se ratatine. Qui se disloque? Qui se ratatine? Le passé, évidemment. Il est informe, pour ainsi dire. Informe, pour ainsi dire. Je crois cet homme réellement malade. Votre avis? Concorde avec le vôtre, à partir par le premier qu'on voit. Informe, non. Non, je ne peux pas dire. Il est plutôt comme une baraque en planches qui s'écroule. Attendez, je cherche l'image. Nous attendons. Et il est plutôt comme un tableau, avec en perspective de l'espace en profondeur, et qui s'aplatit brusquement, et qui est maintenant tout uniquement en surface. Non, ça suffit. On s'en va. Nous avons l'impression que tu veux nous cacher quelque chose. Vous cachez quoi? Le temps se glisse dans le passé. Les murs sont tombés. Avant, tout était solide. Tout était comme sous la main. Comme si rien n'était tiré ailleurs. Le temps se casse. Je crois qu'Adamoff n'a pu très longtemps qu'écrire sur lui-même. Après l'invasion, la grande et la petite manœuvre et la parodie, Adamoff a essayé d'oublier ces personnages qui l'obsédaient. Ces personnages d'exilés dans des villes hostiles, en butte aux tracasseries de la police, en butte au refus des filles. Ces personnages qui étaient tous tellement proches de ce qu'il était et qui le hantaient. Adamoff a donc cédé à la tentation de devenir un auteur à part entière, traitant d'un sujet, d'une époque historique ou de problèmes sociaux, en prenant du recul pour mieux écrire. Et j'ai eu à ce moment le sentiment d'une perte de son identité. J'attribuais ce changement à son désir profond de s'inscrire dans le réel, dans le politique immédiat. Mais ainsi, le personnage de prince clochard plein d'humour qu'il donnait de lui, disparaissait. C'est la question qui reste pendante. Quels exemples pouvons-nous avoir d'un théâtre engagé? Quelle conscience pouvons-nous avoir? Enfin, qu'est-ce qu'on peut souhaiter comme théâtre qui est un engagement politique et qui ne laisse absolument pas de côté la poésie et que tout soit mêlé, englobé, et aussi qui ne laisse pas de côté les recherches formelles, ben, qui sont elles-mêmes révolutionnaires? C'est la vieille question éternelle, et c'est celle qui avait finalement tourmenté Adamov. Jean Genet, Les Paravents. La fête, si limitée dans le temps et l'espace, apparemment destinée à quelques spectateurs, sera d'une telle gravité qu'elle sera aussi destinée aux morts. Il faut que la fête soit si belle que les morts aussi la devinent et qu'ils en rougissent. Si vous réalisez Les Paravents, vous devez aller toujours dans le sens de la fête unique et très loin en elle. Tout doit être réussi afin de crever ce qui nous sépare des morts. Tout faire pour que nous ayons les sentiments d'avoir travaillé pour eux et d'avoir réussi. Il faut donc entraîner les comédiens et les comédiennes dans leurs profondeurs les plus secrètes, pas dans leur finesse, leur faire accepter des démarches difficiles, des gestes admirables, mais sans rapport avec ceux qu'ils ont dans la vie. Si nous opposons la vie à la scène, c'est que nous pressentons que la scène est un lieu voisin de la mort, où toutes les libertés sont possibles. La voix des acteurs viendra d'ailleurs que du larynx. C'est une musique difficile à trouver. Leur maquillage, en les rendant autres, leur permettront toutes les audaces. Cessant d'avoir une responsabilité sociale, ils en auront une autre à l'égard d'un autre ordre. Lettre de Jean Genet à Roger Blin. Le point de départ de cette pièce est une anecdote que m'a dite de Genet. Un de ses amis faisait agrandir sa maison dans le Midi. Il avait des manœuvres et des maçons algériens. Et il y a eu un de ses ouvriers qui a été rappelé par sa famille dans son pays pour se marier, et il avait économisé le plus d'argent qu'il pouvait pour rentrer chez lui et acheter une femme. Et il s'est trouvé que cet argent lui a été volé ou qu'il l'a perdu. De cette idée d'obligation de se marier, d'acheter une femme, et que n'ayant pas d'argent, on achète une femme laide, il est arrivé à créer une très belle histoire d'amour qui ne se déroule et ne se dévoile qu'avec des mots de haine. Ce pauvre type, Saïd, très pauvre, obligé d'avoir une femme si laide, lui couvre le visage, il en a honte, et sa mère, lui, accueille sa bru très mal. Et cette pauvre fille, Leïla, qui est une espèce d'esclave, petit à petit gagne à l'intérieur de cette famille misérable, mais elle gagne par l'ignominie où on la met. Cette déchéance, finalement, arrive à créer une histoire d'amour, parce que le spectateur sent que malgré tous ces mots de haine, n'est-ce pas, que dit Saïd à sa femme, il y a un grand amour, il ne la frappe pas, et elle, petit à petit, gagne, et elle est préoccupée d'une espèce d'aventure. On ne sait trop laquelle, la mère aussi, n'est-ce pas, et tout ça dans la nature, et mêlé sans vouloir s'y mêler, à l'histoire de la révolution algérienne. Genet écrivait « Vrai et pas vrai, mais non fausse, la pièce a sa vérité. » C'est ça que nous avons cherché, la vérité de ce spectacle. Toutes les précautions ont été prises pour casser le caractère émotionnel de la pièce en rappelant en permanence qu'il s'agissait de théâtre. Bon, mais nous sommes pas partis comme ça. J'avais évidemment fait un travail préparatoire, en n'écrivant pas grand-chose. Contrairement à des confrères, je n'écris presque rien avant. J'ai tort, d'ailleurs, parce que... Mais, enfin, c'est comme ça. Et certaines choses, je ne les vois qu'avec les comédiens. On arrive à se préciser qu'avec les comédiens, Genet avait pris soin de me faire promettre que je ne gaucherais pas sa pièce. C'est-à-dire, comme c'était sur un sujet brûlant, il voulait garder à sa pièce l'ambiguïté, qui est le caractère principal de tout son théâtre, le jeu de miroir, qui n'était pas pour lui renvoyer dos à dos les Algériens et le système colonialiste militaire français, cette pièce n'étant pas en tout cas une pièce réaliste ni didactique, rien du tout. C'est une pièce, comme il l'a nommé lui-même, un hommage aux morts, de quelque côté qu'il soit. Mais il m'avait demandé justement de ne pas gauchir la pièce. N'est-ce pas ? Mais il n'y avait aucun moyen de le faire, si on était honnête, elle était comme elle était. N'est-ce pas ? Et par conséquent, je n'ai pas chargé les colons ni les parachutistes plus que n'avait fait l'auteur, et je n'ai pas glorifié et idéalisé les Algériens plus qu'ils l'avaient fait. Donc sur ce plan-là, enfin, je crois que l'équilibre s'est maintenu, en dépit des coupures, en dépit aussi de la réalité théâtrale qu'il fallait montrer. Mais je crois que je ne peux pas dire mieux que ce qu'en a dit Genet dans les lettres qu'il m'a adressées avant les représentations, et petit à petit, au cours des répétitions, il n'assistait pas à toutes. N'est-ce pas ? Il fait de fréquences de voyages à l'étranger, il revenait de temps en temps, on va y arriver. Il faisait le point de ce qui avançait, de ce qui n'avançait pas, des choses où j'avais pu me tromper, et des progrès qu'avaient fait certains comédiens, et des erreurs aussi, enfin. Et petit à petit, ces lettres m'ont aidé beaucoup. Rien sur la scène. Rien qui doive être laid ou ridicule, naturellement. Il faudra peut-être prendre à part les personnes de qui je vous ai parlé et tâcher d'en tirer un parti qui mette en valeur la pièce, donc eux-mêmes. Essayez tout de même de les amener vers un théâtre plus hiératique. Sinon, l'arsenic, ou les frapper. Je ne peux pas vous envoyer une formation de catch pour les mettre en bouillie, mais ils y sont. Toutes les coquetteries qu'on peut faire sur la distanciation, sur l'appel à l'intelligence du spectateur pour détruire la magie, l'effet de V ou W ou je sais pas quoi, pour moi sont des coquetteries. Parce que même si on imagine un acteur venant à côté du spectateur, lui tapant sur le ventre, du fait que l'un est payé et que l'autre paye, ça suffit à créer la distance et le théâtre. Et surtout une certaine distance, la magie ou pas, je ne sais pas, mais fait que on ne doit pas voir souffrir l'acteur. Je sais pas, toutes les choses qu'on peut dire comme ça, sur les choses vraies, sur les souffrances de l'acteur, etc., ou me semble obscène. Quand un acteur pleure en scène, je suis complètement choqué. Je trouve ça obscène. Si on le frappe dans certaines scènes et qu'on voit la rougeur sur son corps, je suis choqué aussi. Le théâtre disparaît à l'endroit même où on peut voir ces choses-là. Pour moi, le vrai théâtre disparaît. Dans une lettre à propos du maquillage d'Omou, Genet me disait « Je voudrais une face de lune avec des cratères en relief ». Ça devrait être possible de demander des photos à la NASA. Pour les maquillages des morts, il proposait aussi, je crois, que les visages soient blancs, passés à la céruse. L'esprit de la pièce est un esprit d'une distanciation, n'est-ce pas, absolue vis-à-vis du réel. N'est-ce pas ? Lui prévoyait des masques, mais souvent le masque ou le demi-masque fait une grande impression pendant 3 minutes et puis après fige. N'est-ce pas ? On a une espèce de surface fixe. Je préfère le maquillage masque qui s'arrête au visage. Donc c'est délibérément une déclaration de théâtre, de ce que nous voulons faire comme théâtre pur, enfin, en dehors de tout vérisme. Dans les décors aussi, les praticables sont des lieux scéniques. Les paravents sont comme des idéogrammes, comme des inscriptions dans le théâtre élisabétain. J'ai cherché longtemps un signe qui, tracé très vite sur le visage des acteurs, pouvait marquer leur passage dans le monde des morts. Je pensais à des croix ou une barre sur le front. Après plusieurs essais en suivant les courbes et les plis du visage, j'ai trouvé un signe qui me convenait et j'ai réalisé que j'avais dessiné le signe oméga. J'étais très content d'avoir trouvé ça tout seul et de cette façon, parce que si j'avais mis au turbin une dizaine de dramaturges, ils auraient sûrement fini par penser à l'alpha et à l'oméga. L'oméga signifiant évidemment la fin, la mort. Mais j'étais beaucoup plus heureux d'avoir découvert ce signe par une méthode plus artisanale. Mais il y a aussi un tas d'autres choses techniques qu'il ignorait concernant l'éclairage et toutes sortes de choses. Dans la pièce, il y a énormément d'indications de baisser de lumière, de noir et des choses comme ça. Et j'avais pensé qu'au contraire, N'est-ce pas? On pourrait chercher le plein feu le plus souvent possible. Il en avait accepté l'idée, et après, il est apparu que je m'étais avancé un peu trop en promettant le plein feu partout, parce que les entrées, les sorties et toutes ces choses-là, le public, contrairement au public japonais, mettons, n'est pas habitué à considérer comme nul, comme inexistant, un acteur qui vient des coulisses et n'a pas encore pris sa vraie place. Il ne le considère pas comme inexistant. Donc, il fallait jouer les entrées aussi, ce qui ralentissait l'action beaucoup et différentes choses comme ça. Alors, ce sont ces choses-là, techniques, point de vue-là, et au point de vue vocal aussi, il fallait arriver à une stylisation que certains acteurs ont obtenue, certains autres pas. N'est-ce pas ? Mais je ne peux pas faire de bilan de la chose, étant donné que Jeunet considère lui-même ses représentations comme une expérience, comme un semi-échec même. Il était tout de même très ému que cette pièce soit finalement jouée, et peut-être ça l'a amusé énormément, que ça soit joué dans un théâtre subventionné, national. Odéon, Théâtre de France, pas toutes ces choses 1966. Entre en ligne de compte. Femmes, quelles accouchent de monstres. Germaine Kerjean, Maria Cazares. Les gosses, les chiards, et vous les femelles, entrez toutes, amenez vos vermines, montrez-leur les remparts, qu'elles se remplissent l'œil, leur bel œil noir, de toutes les beautés du pays. Tiens, tu reviens? On vous avait oublié. Et toi, tu es là? Décidément, il est écrit que je dois passer mes nuits en tête à tête avec les morts. Qu'est-ce que tu faisais? Et pendant que les hommes empilaient les têtes, les cœurs et les mains coupées, je faisais le guet. Leïla volait vos robes et vos moulins à café, et Saïd l'aidait. Continue et fais bien ce que tu dois faire. Les conseils, je les donne. Je ne les reçois pas. Ma graine, je la sème comme je veux. Je sais que tu as tué à toi avec ce qui n'a plus de nom sur terre. Mais moi, tu dois... Ah, cette comédie-là, je l'ai jouée avant mon tour. Foutez le camp! Foutez le camp! Et ne la laissez pas revenir au village. Quelle dévaste! Quel dévaste! Approchez. Vous avez ce qu'il faut? J'ai une éponge et du vinaigre. Où vous allez? Pas mourir? Mourir. M'endormir comme après un bon repas pour le rater toute ma mort. Vous y êtes? Moi, j'ai les serviettes éponges et ma douceur pour fermer tes yeux. La force qu'il faudra à ton poignet. Couchez-moi. Et lavez-moi bien. Sans bavardage idiot. Non! Non, ne chassez pas les mouches. Je les connais déjà par leur nom. N'oubliez pas de me poser la mentonnière. Et de bourrer du coton dans mes oreilles, dans mes trous de nez. Et dans tous mes trous. Depuis 3 minutes déjà, je suis chez les morts. Et je vais voir comment je peux continuer à vous aider. Parce que j'emporte là-bas des tonnes de haine. Lavez bien mes pieds, surtout. Ce sera la deuxième fois en 3 ans. La langue est extrêmement belle, elle est rugueuse parfois, et les mots grossiers ne sont pas du tout provocateurs. Il avait tout de même affaire à représenter aussi des militaires, des légionnaires, n'est-ce pas? Et le langage de l'armée, évidemment, n'est pas un langage de premier communiant. Mais pour lui, certains mots ne sont pas plus grossiers que d'autres. Les mots sont les mots, et les mots qui désignent des parties du corps, et les mots qui désignent des actes corporels, sont pour lui nobles, au même titre que prime vert, étoile, trou du cul, chiasse. Pour lui, c'est pareil. Et alors, Je ne sais pas, c'est... Ce qu'il y a, ce qui me réjouit le plus, enfin ce que j'aime le plus dans le théâtre de Genet, c'est son insolence. C'est une jubilation. C'est un mot qui ne peut servir qu'à lui. C'est pas la jubilation de l'enfant puni qui se venge, jubilation du nègre révolté, mais plein d'humour. Et puis alors, il y a toujours une notion chez moi qui prime, d'une certaine façon. C'était le désir d'emmerder le monde, de faire chier un certain nombre de gens, de groupes sociaux. C'est pour ça que les pièces politiques m'ont toujours intéressé. À condition que le texte soit beau et que la poésie ne soit pas exclue. Par exemple, quand j'ai monté les paravents, c'était pour emmerder l'armée française. Quand j'ai monté les nègres, c'était pour emmerder les blancs, et pour la beauté de la chose. Et quand j'ai eu Godot entre les mains, j'ai désiré le monter en grande partie pour la valeur de la pièce, pour 90%, disons. Et pour 10%, c'était le sentiment qu'on allait faire chier tous les auteurs dramatiques de l'époque et une partie du public. Que ça allait foutre en l'air la plupart des spectacles. Pour d'autres, je représente quelque chose. Et ça, ça m'ennuie bien, par exemple, pour des jeunes, d'être, de pouvoir être le drapeau du théâtre d'avant-garde ou, je sais pas, des combines comme ça. Ça me fout des responsabilités qui me font peur. Roger Blin, 1907-1984. ACR, Atelier de création radiophonique. Fragment, Roger Blin. Première partie. Par René Farabé, Ida Guilbeault. Pierre Chenal, Artaud, Prévert, Strindberg, Beckett, Adamoff, Genet. Document d'archives. Pierre Chenal, L'Alibi, 1938, avec Eric von Stroheim. Jacques Prévert, Bonne nuit capitaine, 1948. Robert Desnos, La complainte de Fantomas. Jacques Prévert, Le métro fantôme, 1951. Edmond T. Gréville, Pour une nuit d'amour, 1946, avec Odette Joyeux. Hommage à Antonin Artaud, 1946. Antonin Artaud, Pour en finir avec le jugement de Dieu, 1947. August Strindberg, La sonate des spectres, 1949. Samuel Beckett, En attendant Godot, 1953. Roger Blin, Jean Martin, Lucien Rimbaud, Pierre Latour. Arthur Adamoff, Le temps vivant, 1962. Jean Genet, Les paravents, 1966. Conversation avec Roger Blin par Linda Peskin. Apparaître aux éditions Gallimard. Entretien. Jean Amrouche, Jean Paget, Harold Portnoy, Marguerite Taos Amrouche, Roger Vrigny. Philippe Esnault, document CNRS, audiovisuel. Les Folson. Avec Jean Martin, Hermine Carageuse. Groupe de réalisation, Monique Burguière, Marie-Ange Garando, Marie-Vonne Noël, Bruno Rancière. Fragment, Roger Blin. Première partie. Cette émission a été diffusée la première fois le 27 janvier 1985 sur France Culture. À suivre, téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.